plage nue. Je suis né de la poussière. Rien qu'un cobaye paumé dans l'enfer. Tailler la pierre, allumer le feu. Russe m'a choisi. Je suis l'ancien et le dieu. À main nue, j'ai monté des murs. Chaque clou planté, chaque planche obscure. De la sueur, du sang, des heures de peine. Ma cabane fragile devient forteresse pleine. Dans les tunnels j'ai trouvé du fer. Du soufre noir pour brûler vos airs. Les flammes dans le four forgent mon destin. Un range d'acier au milieu du chagrin. Monte les murs, renforce la porte. Les raideurs viendront, je serai la escorte. Frappe la tôle, fais trembler l'acier. Qu'ils osent frapper, on va les broyer. Rider skill, chérir d'acier. Sous les flammes, j'viens régner. Vos C4 brûlent, vos coffres fuient. Mais ma loi s'écrit dans la nuit. J'ai vu les naked courir au loin, fouillant les caisses, croyant au destin. Mais ma base rit, mes tourelles chantent. Chaque balle tirée fait fuir et en Wallring m'attend, j'prends tout le loot. Un cowboy armé, j'fais pas de détour. J'ramène les caisses, j'remplis mes coffres. Mon fort s'élève et l'ennemi s'étouffe. On frappe au nord, la tempête vient. Qu'il frappe fort, rien ne craint. Des clans entiers hurlent à ma porte. Riders qu'il règne, la mort les emporte. S'écrit dans la nuit. Chaque clou planté sonne comme un serment. Ma forteresse vibre au gré du temps. Le vent du Far West souffle sur Rust. Un cowboy nu s'est riche en Dieu. Rider's Guild, shérif d'acier. Ma loi s'écrit dans la nuit.